Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes à l'écoute de l'Aérospatiale, votre magazine radio entièrement consacré aux arts visuels à Québec sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland au micro, accompagnée de Gentiane La France. Bonsoir, Gentiane. Bonsoir, Myriam. Et ce soir, à l'émission, tu as rencontré Annie Baillargeon, qui expose à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Tu es allée la rencontrer directement à la galerie pour parler de son exposition à venir et aussi, bon, par le fait même de ses résidences dans plusieurs centres d'artistes de Québec au cours de la dernière année. Elle était très, très occupée, Annie Baillargeon. Et ensuite, c'est Myriam Dufour que j'ai rencontrée pour une chronique qu'elle nous livre sur l'exposition Installation vidéo Conversation avec ma famille de Rachel Eschenberg, qui est actuellement présentée dans la galerie du Centre d'artistes Le Lieu sur la rue du Pont. Puis c'est moi qui s'est amusée à faire une sélection musicale. Pour ce soir, j'ai découvert le collectif musical Calmo, qui est un projet qui a commencé avec la musique électronique du producteur et guitariste Bernardo Alvarado Rojas. Il s'agit d'un projet collaboratif maintenant qui inclut la clarinettiste classique Lucia Sanchez, le bassiste jazz Richard McLeish et le batteur Alexis Duval. Le collectif montréalais explore la combinaison de leurs styles musicaux différents avec une approche assez rythmée. C'est des rythmes assez doux, très relaxants. Donc ce soir, on écoute leur album Incorporea, qui est sorti en novembre 2020. Donc, on commence tout de suite avec la piste Surrender to the Now. Et au retour, on écoute l'entrevue que j'ai faite avec Annie Baillargeon. Thank you. Vous êtes toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland toujours au micro et je suis accompagnée d'Annie Bayard-Jean. Bonsoir Annie. Allô? Donc Annie, on avait envie de te recevoir à l'émission principalement dans le cadre de ton exposition « Les soins des Amazones » qui est présentée à la Galerie des arts visuels de l'Université Laval. Puis ce projet-là, ben, c'est l'aboutissement d'un bon 2 ans de travail. Parmi d'autres choses, c'est vraiment dans la lignée de ta démarche. Peux-tu me parler justement un petit peu de comment t'en es venue à faire cette exposition-là, à arriver aux œuvres qu'on voit dans l'exposition? Bien, en fait, c'est ça, comme tu dis, c'est un long processus, ça fait un bout, mais c'est après avoir fait des projets antérieurs, j'avais comme peu de moyens financiers pour produire des œuvres. Ça a tombé comme l'année passée, un peu avant la pandémie, là, mais puis là, je voulais quand même continuer de la recherche, fait que j'ai dit, tiens, je vais faire de la recherche via le web, puis sur des problématiques qui me tenaient à cœur, fait que... C'est ça, j'avais vraiment comme intention de vouloir travailler le vieillissement chez la femme, mais en fait, le non-vouloir de la société sur le vieillissement, puis que c'est un sujet qui me tenait à cœur. J'étais dans ces réflexions-là aussi personnellement, fait que je me suis vraiment mis en mode un peu là, d'auto-cobaye dans cette recherche-là, en m'utilisant comme modèle, puis en me questionnant moi-même sur ces problématiques-là, puis que j'ai développé le compte Instagram qui me permet d'avoir comme une espèce de plateforme laboratoire pour explorer plein de problématiques. Puis que c'est un peu comme ça que le projet a débuté. Puis j'ai aussi fait parallèlement des shootings photos, 4 shootings photos qui ont pu nourrir le compte et puis en fait aussi créer des œuvres à part entière, uniques, là, qui sont dans l'exposition. Puis ensuite aussi, j'ai développé de la vidéo. J'avais la résidence à la bande vidéo, fait que ça m'a permis pendant la pandémie de produire les images puis travailler un peu dans mon atelier. Puis tu parles justement de t'utiliser comme cobaye pour créer ces images-là. Quel est ce processus-là que tu as utilisé? Qu'est-ce qu'on voit dans les images? Puis comment tu as élaboré tes recherches, dans le fond, sur le vieillissement de la femme dans la société? Ben, j'ai comme fait des premièrement, j'ai comme cherché dans des moteurs de recherche, là, donc genre dans le site à Amazon, quand je tapais beauté, vieillissement, tous des mots-clés, puis là, je suis comme sortie, on m'est apparu une panoplie d'objets, de trucs vraiment weird, de trucs à utiliser, fait que là, c'est vraiment étrange parce que tous ces objets-là, toutes ces... Cette esthétique-là était comme interreliée, puis ça faisait comme un monde en soi, fait que j'ai trouvé que c'était comme intéressant visuellement à utiliser, puis à mettre ça en scène via moi. Donc, j'ai commencé à faire une collecte numérique de tout ça, puis aussi des pubs, j'ai commencé à enregistrer des tutos de beauté pour faire le son, puis je suis vraiment tombée dans un monde, et plus je faisais des recherches, plus mon algorithme me proposait des trucs. Ah oui, c'est sûr. C'est rendu, tu sais, mon Facebook, tu sais, tout est pollué maintenant, là. C'est comme rendu quasiment... Vous ne voudriez pas voir mon Instagram. Vraiment, fait que là, tu sais, je photographiais ce qui m'apparaissait, fait que ça alimentait mon travail au fur et à mesure que j'avançais. C'est pour ça que je disais que je suis auto-cobaye, parce que finalement, je suis rentrée... Dans ce monde-là, puis ça me polluait un peu en même temps. Là, c'est ça, fait que... Voilà, c'est comme ça que j'ai développé le projet. Oui, ça finit par toucher un peu à toutes les sphères de ta vie, justement, comme sur les médias sociaux, tu finis par avoir toutes les recommandations en lien exact. Avec ça. Oui, même les Instagrammeurs, les filles qui sont reliées à ce type-là, ils m'étaient recommandées. C'est vraiment... j'ai commencé à trouver ça quand même intéressant comme truc. Comment, puis ça a comme confirmé le fait que c'est vraiment comme un truc aliénant. Oui, bien c'est ça. Puis tu rentres là-dedans, puis tu consommes. Parce qu'aussitôt que j'ai acheté des objets, puis aussitôt que j'ai acheté un objet, après ça, j'avais plein de pubs qui popaient. Puis là, c'est ça. J'en ai pas acheté tant que ça, des trucs, là. J'ai comme été J'ai quand même fait des trucs homemade, que j'aime ça quand même quand il y a un petit côté un peu trashy, fait main dans les photos, mais. Un petit côté punk. Ouais. Puis ces objets-là, dans le fond, que tu as collectionnés, puis que tu as acquéris, dans le fond, pour faire tes shootings photos, puis tes vidéos, on les retrouve dans l'exposition aussi. Oui, je les ai comme mis sur j'ai comme un hôtel là, dans le centre. C'est un peu comme comme faire une espèce d'hôtel de l'ego et du narcissisme. Il y a un miroir. Puis il y a comme j'ai aussi, à tout au long du projet, je me suis pris en photo. J'ai utilisé les applis de selfie, puis tout ça. Fait que c'était comme aussi dans le processus. Donc, il y a un petit iPad avec plein de petits selfies. Puis. Voilà, j'ai exposé les objets que j'utilise dans plusieurs des vidéos puis des photographies. Oui, tu parles des selfies justement parce que ben, jusqu'à maintenant, on a parlé surtout des objets, des produits qui sont mis de l'avant justement pour un peu annihiler le vieillissement de la femme dans la société. Puis les applications de selfie justement dont tu parles, ça fait un peu partie hors d'enregistrement. Tu me parlais d'un genre d'unification de la beauté de la femme. Oui, C'est il y a quelque quand chose même qui un te... standard, ça lisse vraiment, ça avait comme une perfection de la peau, puis il y a comme une standardisation des visages, là, les yeux un peu plus grands, la petite bouche un peu plus resserrée, puis ça vient quand ça fait en sorte que quasiment on veut tous le même visage pour ressembler à un certain canon de beauté. Moi, je trouve quand même c'est un peu malsain, c'est un peu fasciste à la limite, là, puis qu'on en vient quasiment à des espèces de robots, un cyborg Internet. Fait que, il y avait tout ce côté-là qui était qui est dans la réflexion, puis aussi qui va à l'encontre de ben justement de vieillir, puis que ton visage change avec le temps. C'est d'accepter ça, c'est un processus qu'on devrait atteindre en tant que société, je pense. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord. Puis ça parle beaucoup aussi de l'effacement de la femme une fois que la femme n'enfante plus, n'est plus désirable selon les standards sociaux, ben, il y a cet effacement-là qui se fait. Puis même dans les produits qui sont vendus, souvent quand on va voir, ben, c'est un peu le même principe que quand il y a une annonce de rasoir, on voit une personne qui a pas de poils sur les jambes. Ben Ouais. là, on voit des produits anti-rides et tout, mais avec des personnes qui ont absolument pas de rides déjà. Oui, non, c'est ça. Puis côté juvénile, comme s'il fallait toujours rester très jeune. Glorification de Ouais. la jeunesse, vraiment, là. Oui. Ben c'est super intéressant comme projet. On pourrait en parler encore. On continue d'ailleurs à en parler de l'autre côté de la pause musicale avec Annie Paillarchon. Thank you. toujours à l'écoute de l'aérospatiale, Myriam Leland encore au micro et toujours accompagnée d'Annie Bayard-Jean. On est présentement à la Galerie des arts visuels pour discuter entre autres de son exposition « Les soins des Amazones ». Juste avant la pause, Annie, on parlait de ce qui composait tes images, les morceaux de viande, les couleurs qui se rapportaient à cette palette de couleurs qui est spécifique aux objets de cosmétiques anti-vieillissement, si on peut dire ça comme ça. Puis, ces compositions-là, c'est la première fois que les gens peuvent les voir, mais ce qui a mené à ces compositions-là, c'est beaucoup les expérimentations que tu as faites sur Instagram dans les deux dernières années. Peux-tu me parler un peu de ce processus-là? Oui, mais en fait, j'ai fait peut-être 4 shootings photos différents. En fait, quand j'ai fait les shootings, je savais que ça allait amener à ces œuvres-là, à des montages photos. Mais quand j'ai regardé individuellement le côté portrait, c'est ça, je trouvais ça intéressant des isoler puis des mettre. Mais sur Instagram, dans la manière comme j'y mets, il y a toujours un titre ou un questionnement que j'aborde ou une réflexion. Fait que là, il y a la réflexion qui est là. Puis je fais comme une petite narration, une petite histoire narrative derrière. Tu peux mettre plusieurs photos. Fait que je mets des objets reliés à l'image de départ. Puis c'est comme toujours pour critiquer certains points de mon sujet. Là, fait que... Mm-hmm. Puis pour toi, est-ce que ce soit sur Instagram ou les produits finis, ça fait très, très commercial. Bon, on va appeler ça les... Les œuvres, on va les appeler ce qu'elles sont. Donc, autant sur Instagram que les œuvres qu'on voit dans l'exposition ici. Pour toi, est-ce que c'est vraiment une critique ou peut-être plus une piste de réflexion? C'est pas une critique parce que je suis pas contre les filles qui... J'étais avec les filles qui font les selfies. Je veux pas être contre la féminité, c'est correct, puis moi je me maquille au fond la caisse, puis même je me posais la question, si j'avais beaucoup d'argent, est-ce que j'utiliserais ces interventions? Peut-être que oui, tu sais. Mm-hmm. Fait que moi, c'est comme une espèce de... Je critique plus le système, donc comment c'est fait, puis comment qu'on est dans un système de capitaliste qui fait en sorte qu'on est comme aliéné à dépenser notre argent pour ça, puis ça aliène un peu la femme à toujours consommer quelque chose, soit au niveau de la mode, soit au niveau de tout, en fait. Fait que c'est comme, tu sais, de se représenter vraiment selon les standards, selon l'image qu'on doit être, ça vient un peu aliénant, tu sais. Ça revient un peu à ce que tu disais aussi tantôt par rapport au fait que quand on n'est pas là pour enfanter, quand on n'est pas là pour être désiré par des hommes, la seule chose à laquelle on sert, ben, c'est d'être consommatrice. Et que c'est ça, c'est plus la consommation que je critique, mais c'est pas... La femme, écoute, on est comme victime de ça, en fait. Ouais. Puis, je veux dire, c'est... En fait, c'est d'être bien, puis de vraiment plus... d'être bien avec ça, puis d'être zen avec ça. Puis, voilà. Puis pendant qu'on parle d'Instagram, justement, de médium technologique, t'as exploré aussi plus la vidéo. D'ailleurs, il y en a une dans l'exposition. Puis t'as une résidence avec la bande vidéo, puis un projet en cours aussi là, par rapport à ça. Oui, bien la vidéo qui est dans l'exposition, c'est une des premières vidéos que j'ai fait. Il y a aussi une petite vidéo de selfie là, que j'ai fait qui sont sur Instagram. Je trouvais ça rigolo d'y mettre. Oui! Qui font partie de l'hôtel central dont tu parlais tantôt. Oui, c'est ça, l'espèce d'hôtel là, de narcissique du narcisme. mais c'est ça, la deuxième partie du projet que je vais présenter à l'automne prochain, si Méduse ouvre, c'est ça, c'est un tournage que j'ai fait. Il y a 3 caméras avec genre 3 écrans, il y a un dispositif, c'est comme plus un petit... c'est plus narratif, en fait. C'est une performance vidéo. OK, OK. Ouais. OK, puis évidemment, ça se lie à ton travail qu'on voit ici dans la galerie par le sujet, mais au niveau... qu'est-ce qui diffère de l'exposition qu'on voit ici puis de ces projets-là? Est-ce qu'il y a... Bien, ça va être différent. J'utilise les mêmes objets, mais tu sais, je vais répondre punch pour pas que brûler l'expo de la bande vidéo. Mais c'est dans la même lignée de réflexion. En fait, c'est comme c'est le même projet, mais j'ai voulu séparer, là, garder un peu pour la bande vidéo, garder un peu pour apprécié. Ben, c'est ouais. définitivement plus vidéo, hein, la bande vidéo. Ouais, alors qu'ici, on a ces images-là issues des shootings photos, des montages photos, mais avec les interventions picturales par-dessus aussi. Oui, ouais. Mais la bande vidéo aussi va venir, ils vont venir tourner la performance que je vais faire le 26 mars. Oui. C'est ça, Ricardo, on va travailler avec trois écrans encore, fait que ça va encore refaire une performance vidéo avec ça. C'est comme la résidence se poursuit dans le cadre de l'exposition. Oui, c'est ça, c'est tout imbriqué. Puis, ben, tantôt, on parlait des collectifs, je devance ma question, on parlait des femmes artistes performatives dans les années 60-70 qui ont comme établi cette tradition-là de performance en lien avec le corps de la femme puis la manière qui est vue en société. Mais toi aussi, tu fais partie de cette tradition-là avec les collectifs. Ah oui, ben oui, je pense que c'est dans les premières affaires que j'ai faites à l'université ici. En fait, c'est dans le 50e anniversaire, j'ai fondé à l'école même le collectif Les Fermières Obsédées. Oui. Puis ça s'est vraiment formé en rencontrant d'autres filles ici, puis performer ensemble, puis en développer un propos féministe. On a fait ça pendant 11 ans. Puis après ça, j'ai repoursuivi avec Blush dans une autre avenue, mais... Mais tu as toujours ces mêmes préoccupations-là. C'est quand même dans la continuité de tes préoccupations sociales et artistiques. Oui, oui. Puis je me suis tout le temps mis en scène. Tu sais, les premiers trucs que j'ai fait des vidéos où je me mettais en scène. Mm-hmm. Puis c'est drôle parce que comme j'ai commencé le projet Instagram, le côté de se mettre en scène est devenu comme mainstream. Puis je dis, ah, tiens, moi, je faisais ça avant, mais quand il y avait comme, on n'avait même pas de. C'était comme compliqué de se mettre en scène. Ouais. Tu sais, là, j'ai engagé un photographe, tout ça. Mais il n'y avait pas de téléphone. J'avais même pas de téléphone, en fait. Les téléphones n'étaient pas là. Fait que. Et je m'étais dit, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais. J'aurais peut-être été une Instagram girl. Peut-être que ça aurait dû me dévier vers autre chose, là, comme. C'est ça, si j'avais été maintenant étudiante, là. Voilà. Oui. Puis peut-être pour terminer, est-ce que c'est une avenue, cette avenue-là de recherche, de réflexion, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu continues de travailler? Est-ce que ton travail va prendre peut-être d'autres tangentes ou... Oui, ben là, ce projet-là m'a amené à d'autres. C'est ça, je suis comme un peu ailleurs. Là, je suis comme écœurée de m'avoir la face, puis je suis écœurée de m'avoir. Là, je veux faire des photos qu'on voit juste des parties de corps, on voit pas. Qu'on perçoit le corps différemment. Un peu désincarné. Non, très de proche, mais comme. Okay. C'est ça. J'expliquerai pas ce projet-là parce qu'il n'est pas encore en cours, là, mais ça m'a amené vers une abstraction du corps, peut-être. Okay. Une décomposition. C'est intéressant. Ouais. Okay. Mais voilà, je pense que Square Femininity, je vais le poursuivre. J'ai l'impression que de ne pas avoir fait le tour tant que ça. Peut-être avec la nouvelle performance, ça va m'amener ailleurs. Fait que, tu sais, c'est comme, je pense que chaque chose amène... vers un autre truc, puis... Oui, c'est ça, tu nourris le sujet tes large, réflexions. Oui, puis, définitivement. Que... Oui, bien, puis on a même pas pu toucher à... C'est ça, la présence de la viande avec la marchandisation du corps de la femme. Oui, bien, le porc, c'était quand il y avait tout le balance ton porc. Ah oui! Fait comme, OK. Un petit clin d'œil. Mais c'est ça, puis tu sais, comme dans les œuvres, j'ai pas tout dit, là, de qu'est-ce qu'il y a une symbolique aussi, là, avec la peinture, ça ramène une symbolique, puis une espèce d'incarnation. Les images sont plus incarnées, parce que je les ai pas vraiment mises sur Instagram, parce qu'avec les interventions picturales, tu sais, je les laisse pour le côté exposition. Mm-hmm. Ouais, ben puis toute cette palette de couleurs-là, puis avec les objets qu'on sait pas trop des fois si c'est un objet de cosmétique ou comme un jouet sexuel. Oui, ou, vraiment. Oui, c'est ça, c'est super intéressant. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais d'ailleurs, comme tu parles, mon prochain projet va sûrement traiter de la sexualité, là, parce que ça m'a amené, en faisant toutes mes recherches, j'ai découvert d'autres choses, parce que les algorithmes sont pervers. Fait que voilà. Bien, merci beaucoup, Annie Bayargent, de t'être prêtée au jeu de l'entrevue. Donc, l'exposition à la Galerie des arts visuels, c'est du 11 mars au 11 avril et tu seras présente en galerie les 12 et 13 mars pour rencontrer les spectateurs. Oui! Merci encore une fois. Donc, nous, on se laisse pour une pause publicitaire. Nous sommes de retour à l'aérospatiale. J'entends de la France avec vous et j'ai avec moi Myriam Dufour, notre chroniqueuse de la semaine. Et Myriam, tu t'es déplacée au lieu pour aller voir l'exposition installation vidéo de Rachel Eschenberg qui s'intitule « Conversation avec ma famille ». C'est un corpus qui est un ensemble de vidéos où l'artiste se met en scène dans différentes situations avec sa propre famille puis ça explore différentes dynamique, relations familiales, d'attachement, détachement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à réfléchir en voyant cette exposition-là, Myriam. Oui, exactement. En fait, l'artiste propose un corpus d'œuvres qui a impliqué une grande collaboration au fil des années avec les membres de sa famille immédiate. Donc, on va voir des œuvres qui mettent en lumière, comme tu dis, les relations avec sa famille, puis aussi la complexité de ces relations-là, la beauté et autant les fissures qui les animent. Puis, c'est très touchant d'ailleurs, une démarche comme ça. Elle va travailler sur la proximité de la famille, sur la relation qui peut être très forte. Puis, en fait, Rachel Eschenberg dit qu'elle s'intéresse à représenter les relations familiales par le spectre des tensions et de la beauté qui les traverse, puis que c'est au-delà d'une approche qui est basée plus sur des notions romantiques, puis un peu idéales des relations familiales. Donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle a travaillé en 2018 pendant 4 semaines à la résidence nomade sur l'île d'Anticosti avec son mari et sa fille. Puis c'est là qu'elle a surtout elle a développé ce travail-là dans un contexte où sa famille se retrouvait dans un paysage inconnu, disons, dans une région isolée qui a eu nécessairement un impact sur la relation avec sa famille. T'sais, l'intensité de la vie en commun, la cohabitation. Puis dans ce contexte-là, sur l'île d'Anticosti, elle a voulu s'apprivoiser l'espace, mais va travailler aussi avec les relations avec la nature, les transformations des marées, parce que justement, elle est sur le bord du Saint-Laurent, du fleuve Saint-Laurent. Mais elle va travailler sur la qualité de la lumière, les conditions météorologiques, puis directement reliées en fait au noyau familial. Elle va représenter des relations corporelles, des relations avec son mari et sa fille, dans ces espaces-là géographiques. Et ça donne des images où on a accès à un espace qui est très ouvert avec ce ciel, mm-hmm. cet horizon, la mer. Il y a quelque chose de très contemplatif aussi, dans ce qu'on ressent devant ces images-là. En fait, il y a deux œuvres là, où on retrouve l'horizon de l'île d'Orléans. Et avec son mari, elle explore quand même une espèce de relation quasi violente aussi dans la performance qu'ils font ensemble. Oui, il y a une œuvre en particulier. on voit l'artiste et son mari qui sont face à face, mais assez éloignés, puis ils sont devant le fleuve également. Puis on les voit courir l'un vers l'autre, puis pour créer se coller, en fait, s'entrelacer. Puis la façon, cette étreinte-là semble aussi un peu violente, la façon dont il se rejoint super rapidement, mais ça peut montrer aussi l'amour, en fait, le besoin de se retrouver. Puis surtout, je trouve, dans le contexte actuel, la pandémie, je trouve ça assez beau de voir des œuvres comme ça. Moi, ça m'a touchée particulièrement parce que, ben justement, les contacts avec notre famille est beaucoup moins... c'est beaucoup plus limité qu'avant. C'est surtout par les écrans, puis il y a beaucoup moins de contacts physiques. Donc, j'ai trouvé ça assez beau de voir ça. Puis aussi, cette œuvre-là, lorsque le couple se rejoint, ça forme une sorte de nuage, de fumée, en fait, à cause du gravier sur lequel il court. Oui, on est près du spectacle de magie. Ouais. Ils disparaissent dans un petit nuage. Ils disparaissent, exact. C'est ça, on s'y attend pas. J'ai trouvé ça bien quand même comme façon de représenter ça. Et je m'attendais pas à cette fin-là du vidéo. Je trouve ça super, super intéressant. Là. Et puis, l'autre œuvre qui a été réalisée sur l'île d'Orléans avec sa fille, c'est un diptyque où on retrouve deux fois la même vidéo, mais elle est traitée de deux manières différentes, qui donne un rapport tout à fait différent avec le temps puis l'espace. Là. Oui, exactement. Elle travaille aussi sur cette idée-là du temps et de l'espace. Et aussi, elle va représenter des vidéos sur deux écrans. Un qui va être représenté de façon rapide, qui va être accéléré, l'autre sur un écran qui est en temps réel. La vidéo est vraiment en temps réel, comme je viens de dire. Puis on va voir la marée descendre rapidement, on va voir les paysages bouger rapidement. Donc on voit clairement qu'il y a une recherche sur l'idée du temps. Du lieu également, du lieu, du lien avec la nature. Et les personnages, les protagonistes qui restent immobiles pendant... Qui restent immobiles, oui. C'est une performance, donc elle reste immobile pendant environ 2 heures, je crois. Oui, exact. C'est debout, ça, ouais. Là, immobile, donc il y a quelque chose de vraiment statique. Et exact. Puis, avec tous ces oiseaux aussi qui se promènent autour. Aussi, oui. Ça donne le sens du mouvement de la nature. Exact. Puis comme tu disais tantôt, j'ai trouvé ça très contemplatif comme œuvre. Plus on prend le temps de le regarder, plus on apprécie, je trouve, puis plus des questionnements nous viennent en tête. Et on peut s'y associer dans le sens qu'elle travaille sur la famille, donc chaque spectateur peut trouver sa propre définition de l'œuvre et nécessairement penser à ses propres rapports familiaux. Donc, je trouve ça bien, elle réussit, malgré j'osais pas dire le mot. c'est intéressant parce que tu sais, ça parle du détachement justement, ouais. C'est avec sa fille, donc à un moment donné, bon, on coupe le cordon, cette expression, puis après, la mère vit l'éloignement avec sa fille, la fille vit l'éloignement avec sa mère, puis ça se vit de manière différente, donc il y a comme tout ce registre-là qui vient rejoindre cette œuvre-là. Exactement. Puis aussi, ça me fait penser à une autre œuvre qui présente l'artiste et sa mère. Ah, très bien. Oui, vraiment, c'est encore sur deux écrans différents. Puis, l'artiste et sa mère sont filmés au même endroit, dans le même lieu, mais à deux moments différents. Puis, simultanément, elles vont faire des mouvements, elles vont toucher leur visage, faire des mouvements avec leurs bras, des gestes qu'on pourrait... des gestes méditatifs qu'on pourrait penser, qui rappellent un peu. Avec les yeux fermés. Oui, les yeux fermés, oui, c'est ça. Exact, c'est super beau à regarder, je trouve. Puis aussi, c'est des mouvements très lents, mais parfois des passages plus rapides. Puis j'ai aimé la façon dont les femmes touchent leur visage comme si elles venaient de découvrir leur corps. Je trouvais ça super poétique comme image. Oui, il y a quelque chose de l'auscultation, de sculpter son visage, mais il y a aussi quelque chose du massage, du soin quotidien du visage, la routine. Oui. Mais on est vraiment dans l'autodécouverte de soi. Hein. Il y a vraiment quelque chose de ça dans cette. Exactement. Mm-hmm. Oui. Puis aussi, elle voulait travailler sur les générations, dans les générations familiales, la mémoire aussi de ses ancêtres, le partage entre les générations. Donc, justement, le voir l'artiste et sa mère qui font les mêmes mouvements, c'est assez beau à voir. Puis ça montre cette idée-là de la génération. Et il y a Philippe qui travaillait au moment où je suis allée visiter l'exposition, m'expliquait aussi que le geste d'entrée, parce que bon, c'est une boucle, le premier geste où elles approchent les mains du visage, c'est un geste qui proviendrait de la culture juive, donc qui se transmettait comme ça dans la famille. Donc, on parle de transmission, de partage aussi, de mémoire des gestes au sein d'une famille. Oui, exactement. Et je trouve ça super bien la façon dont elle inclut cette idée-là de la religion juive dans son œuvre. C'est assez discret, mais c'est quand on l'apprend, c'est vrai, c'est encore l'œuvre devient encore plus intéressante, je trouve. Vraiment très très touchante comme. Oui, vraiment. Mm-hmm. Vraiment. Et à l'extérieur, donc il y a deux œuvres vidéo qui sont dans les vitrines. Mm-hmm. Donc deux vidéos qu'elle a tournées avec ses filles en pleine forêt. Et puis là, on est vraiment dans le. On parlait plus d'éloignement, de détachement, alors que là, on est vraiment plus dans des relations qui sont très collées. Ça a été fait avant la COVID. Oui. Exact. C'est justement ces œuvres-là qui m'ont particulièrement fait du bien aussi, justement, par le rapport physique. Puis aussi, le rapport physique avec sa fille qui est adolescente, je crois, qui est plus enfant, en fait. Donc, je trouve ça assez bien de voir ça, les deux femmes qui se réunissent comme ça physiquement. Et c'est beau, c'est super beau à voir. Puis, c'est comme elle disait, elle voulait montrer la beauté qui se trouve dans les relations de sa famille. Même si elles peuvent être parsemées de tensions, mais à ce moment-là, on voit vraiment la proximité qui se retrouve entre les deux femmes. Et puis, il y a quelque chose aussi de cette madone à l'enfant avec l'artiste debout dans la forêt qui tient sa grande fille dans ses bras puis qui essaie de la soutenir. Et puis, on sent que le poids devient de plus en plus difficile à porter. Encore une fois, c'est très, très révélateur sur les relations familiales. Puis, il y a quelque chose d'intime, de beau, de touchant, puis en même temps, une fatigue physique qui s'installe assez rapidement, là, parce que c'est une grande fille. Oui, vraiment, je trouve que tu décris bien ce qu'on voit puis ce qu'on ressent quand on voit cette œuvre-là. Puis en plus, quand on rentre dans l'exposition, ce qui est important à dire, c'est que ce sont des conversations familiales non verbales, dans le sens qu'il y a des bruits sonores, les bruits de la mer qu'on entend, mais il n'y a aucune parole, aucun dialogue. Donc, je trouve ça super intéressant, tu sais, de travailler sur le rapport vraiment plus physique, puis aussi de réussir à montrer les relations familiales sans la parole. Je trouve ça fascinant, la façon dont l'artiste a démontré ça. Oui, ben c'est ça. On nomme conversation, donc on met le doigt justement sur ces relations non verbales qu'on retrouve au sein des œuvres dans cette exposition de Rachel Eschenberg, donc Conversation avec ma famille, qui est présentée au lieu jusqu'au 28 mars. Merci beaucoup, Myriam Dufour, pour cette belle chronique. Merci à toi. Vous êtes de retour à l'Aérospatial, magazine sur les arts visuels à Québec, toujours sur les ondes de CKRL 89.1. Myriam Leland, toujours au micro, accompagnée de Gentiana France. Et c'est déjà le moment de notre agenda de la semaine. Donc, cette semaine, il y a bien sûr l'exposition d'Annie Baillargeon, avec qui on a parlé au début de l'émission. Donc, son exposition débute le 11 mars, donc ce jeudi, à la Galerie des arts visuels. Puis, l'artiste sera présente en galerie vendredi le 12 mars de 14 à 17 heures et samedi le 13 mars de 13 à 16 heures. Et du côté de la galerie de Luco, parce que les événements virtuels nous permettent de nous transporter jusqu'à l'Outaouais, il va y avoir une conférence de Cathy Ward. Donc, c'est une conférence qui va comprendre, entre autres, un extrait dansé du solo Anything So Whatsoever, pardon. Et il va y avoir une discussion à propos de son parcours chorégraphique et de la culture chorégraphique dans laquelle elle s'inscrit. Donc, c'est le 12 mars à 11h30. Le 13 mars, c'est l'exposition Mimesis qui réouvre, si on peut dire, au Musée national des Beaux-Arts du Québec, puisqu'en fait, c'est une exposition dans une exposition. Donc, lors de la première période de confinement des Québécois au printemps 2020, il y a plusieurs musées, dont le MNBAC, qui ont invité les citoyens à réinterpréter les œuvres d'art avec des objets du quotidien. On en a vu passer énormément sur les réseaux sociaux. Puis, justement, ce défi a engendré plusieurs créations aussi différentes les unes que les autres. Donc, l'exposition Mimesis, en fait, va intégrer ces réinterprétations-là du public et de certains élèves aussi dans les salles d'exposition de 350 ans de pratique artistique au Québec qui sont présentées au pavillon Gérard Morisset. Puis les créations vont se trouver exposées à côté des œuvres dont elles se sont inspirées. Puis cette décision-là de réouvrir le 13 mars, c'est pour souligner le un an jour pour jour du début du confinement en 2020. Donc, drôle d'anniversaire, mais avec de superbes créations à observer. Puis ça va être une belle occasion de se remémorer aussi ces expositions qui nous sont maintenant disponibles. Bien hâte de voir ça. Et puis, la semaine prochaine, donc à partir de lundi, le 15 jusqu'au 18 mars, il va y avoir dans le cadre du 44e symposium annuel du Comité international pour la muséologie qui est intitulé « Décoloniser la muséologie, musée, métissage et mythes d'origine ». Donc, ça se tient en physique à Montréal, mais c'est sur le web que ça se passe. Et vous pouvez avoir plus d'informations là, sur ce symposium sur le www.icofom2021.ca. Puis, finalement, le 17 mars, à midi, il y a le lancement d'un guide pour une expérience inclusive qui est mise à disposition, qui est publiée par l'Écomusée du Fiers-Mondes et l'équipe de recherche de l'Université du Québec à Montréal et l'Université Laval. Donc, en fait, une parution numérique de la publication qui s'intitule « Médiation culturelle, musée public diversifié ». Donc, comme je dis, c'est un guide pour une expérience inclusive. Et le 17 mars à midi, c'est le lancement qui se fait en ligne pour aborder les enjeux de l'accessibilité au musée. Le lancement va être l'occasion de présenter la recherche et le guide avec la participation de Francine Saillant, qui est professeure à l'Université Laval, René Binette de l'Écomusée, Noémie Meignin, étudiante au doctorat en muséologie, Fanny H. Lévy, artiste qu'on connaît bien, Ève Lamoureux, qui est professeure en histoire de l'art, Éric Giroux, Patrick Fougé-Rolla et Lourdes Rodriguez d'Esbarrio. Donc, ça va être un gros événement, justement, avec plusieurs contributeurs de différents horizons. Oui, de belles contributions en perspective. Et ben, c'est la dernière semaine pour se déplacer jusqu'à Lévis pour aller voir l'exposition construire. C'est présenté jusqu'au 14 mars. Donc, l'artiste Isabelle Falardeau qui termine sa maîtrise sur cette exposition-là à Regard à Lévis. Et je vous avertis, pour le samedi et le dimanche, il y a une présence de l'artiste en galerie. Donc, il faut réserver sa place à l'avance pour pouvoir avoir l'honneur et la joie de rencontrer Isabelle Falardeau dans la galerie de Regard. On aime ça, on a de plus en plus d'options maintenant pour se divertir. Des options non virtuelles. Des options non virtuelles et virtuelles. On a l'embarras du choix maintenant. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'Aérospatiale. On vous invite à rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. C'est aussi le meilleur moyen de savoir ce qui se passe dans l'actualité des arts visuels à Québec, puisque nous gardons un agenda le plus à jour possible. Et n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. Et on termine en disant un grand merci à notre invitée de la semaine, Annie Baillargeon, et à notre chroniqueuse de la semaine, Myriam Dufour. Un salut spécial à notre rose, c'est la vie de la mise en onde, Jacques Gignac, qu'on a bien hâte de retrouver en studio un jour, qui se rapproche peu à peu. Et on se laisse pour une dernière piste de l'album Incorporea du collectif montréalais Calmo. Et on se dit à la semaine prochaine, Myriam Leland. À la semaine prochaine, Jean-Tierre France. À la semaine prochaine à la maison. Thank you.